الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc nous avons vu certains droits immés par les hommes de science concernant les gouverneurs, les droits duquel le gouverneur doit s'acquitter vis-à-vis de ses populations. Nous allons voir maintenant certains droits et les droits que doivent accomplir les populations vis-à-vis de leurs gouverneurs. Et le droit que nous devons nous accomplir vis-à-vis de nos gouvernants. Le premier des droits, à l'islam, premier des devoirs, c'est d'écouter notre gouverneur et de lui obéir tant qu'il ne nous ordonne pas une désobéissance. الأدلة في الكتاب والسنة كثيرة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فطاعة ولاة أمرنا ما لم يأمروا بمعصية طاعة لله وطاعة لرسول الله وقربة نتقرب بها ويتقرب بها العباد إلى رب العباد هذه قربة أن تطيع ولي أمرك فإنك في طاعة للرسول وفي طاعة لله سبحانه وتعالى وهذا تؤجر عليه أخ الإسلام وتتقرب به إلى ربك الله أمرك به parmi les preuves qui nous le premier devoir duquel nous devons nous acquitter vis-à-vis de notre gouverneur c'est de lui de être de l'écouter et de lui obéir tant qu'il ne nous a pas ordonné une désobéissance. Les preuves sont nombreuses, que ce soit dans le livre d'Allah ou dans l'authentique de la sunna du prophète. Il est dit dans le verset « Ou vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui vous gouvernent. » « Yaouli l'amri minkum »« Oulatul umur » pour nous, dans l'islam, sont de deux catégories. Les hommes de science dignes du nom et les gouverneurs. Et notre obéissance Aoulat al-Amr suffit dans l'obéissance à Allah. Tant qu'il ne nous ordonne pas de désobéir à Allah, on leur obéit. Et le fait d'obéir à nos gouverneurs et à nos hommes de science, tant qu'il ne nous ordonne pas une désobéissance, dans ces cas-là, on obéit à Allah et on obéit à son messager. Et ça, c'est un acte avec lequel le serviteur d'Allah se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'obéir à son gouverneur, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais il doit obéir dans la désobéissance. Et rappelez-vous cette histoire qui est arrivée en plein massacre en Algérie. Un jeune a appelé Cheikh Nasser rahimahullah ta'ala et lui a dit on nous oblige à se raser les barbes. Qu'est-ce que je fais? Il lui a dit tu ne te rases pas, tu obéis à ton souverain. Et laisse-les eux te prendre, te mettre sur une chaise et te raser. Comme ça, eux, ils prennent le péché. Toi, tu désobéis pas à Allah. Et tu ne suis pas dans la désobéissance à Allah. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah, wa man yuti'i l'amira faqad ata'ani, wa man ya'si l'amira faqad asani. » Et le hadith, il est chez l'imam Bukhari, l'imam muslim, le summum de l'authenticité, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui m'obéit, il a obéi à Allah. » Et celui qui me désobéit, il a désobéi à Allah. Et celui qui obéit au gouverneur, il m'a obéi. Il a obéi à qui? À Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui désobéit au gouverneur, il m'a désobéi. Il a désobéi à qui? À Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et si la personne désobéit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a désobéi à Allah. Et s'il obéit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a obéi à Allah. Et s'il obéit à son gouverneur, il a obéi à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. De là, il est dans une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans notre hadith, aussi chez l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَ فِي مَا أَحَبَّ وَكَرِهِ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَ. Et dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le serviteur musulman doit écouter et obéir dans les choses qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Il doit obéir. Sauf si on lui ordonne une désobéissance. Et si on lui ordonne une désobéissance, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'obéissance. Donc il n'obéit pas, comme il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. Et في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. Et dans l'autre hadith rapporté par l'imam Bukhari, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez et obéissez, même si c'est un gouverneur, un esclave éthiopien qui vous gouverne, sa tête ressemble à un raisin sec, noir. Tu vois les cheveux qui sont très petits comme ça. Ben même si c'est un esclave éthiopien qui te gouverne, tu dois obéir. Et l'obéissance se fait dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pas dans la désobéissance. وقال صلى الله عليه وسلم في وصية المودع في حديث العرباد بن سارية أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا. Et donc le conseil de celui qui le conseil qu'appelle les hommes de science, le conseil de celui qui fait ses adieux, qui est le hadith de l'Irbad ibn Shari, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand ils lui ont demandé de leur prodiguer des conseils, il a dit, je vous conseille taqwa, qui est le fait de préserver les droits d'Allah, hein, et d'écouter et d'obéir, même si c'est un esclave éthiopien qui vous gouverne. Ah, là, ce sont les orientations du prophète alayhi salam. Ceux qui ordonnent maintenant et qui incite et qui excite la communauté et cette jeunesse musulmane à se révolter contre le gouverneur, où sont-ils de ces textes? Ou par rapport à ces textes, ils sont où? Ils connaissent pas ces textes? Pourquoi ils les mettent de côté? Pourquoi ils les mettent pas en application? Parce qu'ils ont peur pour leur aura, pour la place, pour la vue d'Etaria, pour être hein, le premier, hein, les têtes d'affiche, pour ça, ou là pour avoir le poste, le portefeuille de tel ministère, ou là de tel, hein. Pourquoi ne se conforme-t-il pas à la parole du prophète, alayhi sallam, pour épargner à la communauté le massacre qui se fait maintenant? Ou c'est les innocents qui prennent akhal islam maintenant? Ou dans les pays s'est créée l'insécurité, qu'on ne peut même plus faire ses courses tranquilles? Sallallahu subhanahu wa ta'ala salama wa l'afiyah. Walakin musibatuna fi jahlina bi dinina wa usuli dinina wa qawa'idi hadha ad-din. Hadi al-musiba. Mais notre grande catastrophe, c'est notre ignorance les principes fondamentaux de cette religion. Hein? Là, il y a notre... Hein? C'est pour ça qu'on se fait guider. Hein? On est télécommandé. Sortez et sortez. Criez et criez. Hein? Tic, tic. Des marionnettes. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiyah. ومن حق الراعي على رعيته التناصح فيما بينهم وبينه ولا يكون ذلك امام الناس. Fait partie des devoirs que nous devons accomplir vis-à-vis de notre gouverneur, que ce soit les hommes de science ou ceux qui nous gouvernent, c'est de se conseiller mutuellement, et ceci ne doit pas se faire en public, doit se faire en privé. S'il nous a été demandé, quand on se conseille entre nous, de le faire en privé pour que ça ne devienne pas une vraie, ben il est encore plus pour les gouverneurs et pour les hommes de science. Hein? Parce que le fait de divulguer des choses sur les gouverneurs, c'est, hein, ça amène un grand mal. Tu es en train d'attiser la haine contre eux, ce gouverneur, et de remplir de haine les cœurs des gens contre leur gouverneur. Et tu es en train de les préparer comme une bombe à retardement. Et sache, frère en Allah, Azza wa Jal, que les pires des khawarij, les pires des révoltés de la communauté, ce sont le qa'adiyya. Le qa'adiyya, ça vient de qa'ada, assis. Ceux-là, ils font que parler. Il n'y a aucune révolte qui ne s'est pas faite avant la parole. Il faut que des gens parlent sur le manbar, etc. Et regarde, hein, le jeu parle. Des fois, tu as des gens. Comment il s'est passé en Algérie avec Belhaj? Dans le cours de la jurisprudence, au chapitre des eaux, il y a la glissade. Et il remplit. Vezinta. Hein? Il arrive à la parole du prophète alayhi salatu wasalam. Il arrive au fait de ne pas gaspiller l'eau pour l'eau d'eau. Et au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, même si ne gaspille pas, même si tu te retrouves devant un fleuve qui coule. Regardez ce qu'a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez ceux-là dans leur piscine. Combien de fois ils changent l'eau dans la semaine? Regardez l'arrosage qu'ils font des golfs. Regardez, regardez. Est-ce qu'il est le pauvre? Il est dans un bidonville. Ou là dans une situation difficile, une toit. Chaque fois qu'il passe devant une propriété privée de quelqu'un, il y a la parole de ce prêcheur de la fitna. Il attend que. Hein? Comme les pierres qui font le sélex pour se brûler, à un moment donné, ça prend feu. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Destruction du bien des autres. Et vas-y, ta. Et ça n'en finit. Et le feu s'allume et vas-y. Dans ces cas-là, ça prend surtout. Hein? Ça, il faut faire très attention. Là, il y a assez de Dieu. Hein? Il dit la vérité. Quelle vérité? Il est en train de manipuler. Galer la vérité. Il est en train de te manipuler, Harry. Il est en train de faire de toi une bombe à retardement. Le jour où il veut, il va te faire exploser, Akhal Islam. Réveille-toi. Chaque chose a une source. Il a un début. Et le début commence dans ces assises, A'oudou Billah, qui sont censées, hein, donner la compréhension de la religion à la communauté, authentifier ses croyances, corriger ses actes d'adoration, lui faire apprendre la sunna du messager, et la voie du puiseur d'Allah. Là, on les remplit pour qu'ils deviennent, hein, des entiers. Voix du prophète alayhi salatu wasalam, et des anti de la voix du puiseur d'Allah alayhi, et ainsi de suite. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, qulla liman ya rasulallah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce qui est rapporté par l'imam muslim, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil. À ton avis, pourquoi il l'a répété trois fois? Hein? Pourquoi il l'a répété trois fois? Pour l'importance du conseil à l'islam. On dit, pour qui a Rasulallah le conseil? Il a dit pour Allah, c'est-à-dire... C'est quoi le conseil pour Allah? C'est que tu accomplis ce que veut de toi Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que tu réserves le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le livre d'Allah, c'est que tu mettes ce livre en application. Pour le messager d'Allah, pour que tu le suives et que tu sois conforme à sa sunna. Et pour les imams, c'est-à-dire les hommes de science et les gouverneurs, tu leur donnes le conseil comme il se doit, en privé. Et pour le commun du musulman, tu fais quoi du commandement du musulman? Là, les conseillers, ce n'est pas alimenter leur haine contre leur gouverneur. C'est donc authentifier leurs croyances, les orienter vers les chemins du bien, les orienter vers le fait d'être conforme à la sunna du prophète alayhi salam. Hein? Les orienter vers ce qui va faire le bonheur de leur bas monde et le delà, qui est leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'accomplissement du monothéisme. Il a conformité à Rasul sallallahu alayhi wa sallam et à la voix du noble compagnon d'Allah. Voilà akhal islam. Mais pour le gouverneur, tu n'as pas le droit de divulguer ses erreurs en public comme ça. Tu vas faire quoi? Tu vas attiser la haine, tu vas créer le feu. Hein? Et peut-être tu vas te brûler avec ce feu. Parce que quand la révolte va y être, on va venir, on va brûler tes biens. Tu vas accepter? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben toi, tu les as excités. Ils ont commencé par toi-même directement. Non, là c'est injuste, c'est pas comme ça. Yahé, quand la fitna est apparue, il épargne personne, yahé. Hein? La fitna n'épargne personne. Quand la fitna il est là, ça prend tout, le bien, le mal, tout y va. Akhi, hein? Et quoi de plus grand mal que dans des villes, dans des pays, voilà juste l'exemple du Maroc où ça a éclaté juste pour un jour. À Tanger, auparavant, il sortait tranquille. Il y a un de nos frères, il a appelé samedi, il a dit tous les magasins sont fermés. On ne peut pas aller faire les courses. Les gens ont peur. Al-Husseima, vas-y à Zagoura, vas-y, hein, subhanallah. Tout ça, hein, cette jeunesse qui ne connaît pas les fondements de sa religion, cette jeunesse qui suit comme un mouton, hein, cette jeunesse qui, au lieu de s'attacher au livre d'Allah et à l'authentique de la Sunna et à la voix du puiseur d'Allah, vas-y, je suis, hein, du vent, du Facebook. Du vent, c'est même pas qui est derrière le Facebook. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afia. Hein? Wa idha qassara al-ra'i fi haqqi al-ra'iyya wa lam yu'tiha haqqaha wa sta'tara bid-dunya li nafsihi wa li ahlihi wa li aqribaihi wa iqtarafa ad-dunub wal ma'asi fa hal lil ummati an takhruj 'alayhi bis-sayf. Et maintenant, le gouverneur ne s'est pas acquitté de son devoir vis-à-vis de ses populations. Il s'est accaparé du trésor du pays. Et il l'a entre les siens. Hein? Et il est tombé dans les péchés. Hein? Est-ce que maintenant nous avons le droit de prendre les armes contre lui? وهل لدعاه الاستعجال ودعاه الفتنه ان يذكروا عيوب الراعي على المنابر وفي المجالس لاثاره الناس عليه وعلى مواقع الانترنت وهي في الحقيقه الانترموت الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه اي maintenant les prêcheurs de l'empressement et de l'excitation et de la fitna est-ce qu'ils ont le droit de citer les défauts de ce gouverneur sur le les manbars des mosquées et dans les assises et sur les sites intermout, hein, et dans les réunions, etc., pour exciter les gens contre lui. Alladhi yujibuka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui te donnera la réponse à ceci, celui qui ne parle pas de ses propres passions, celui qui est le véridique, qui n'a dit que la vérité. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم إنها ستكون بعدي أثرة أي ولاة أمر وحكام يأخذون الدنيا لهم وأمورا تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك فاسمع للتوجيه النبوي للذي بعث توجيه الذي بعث رحمة للعالمين قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Maintenant, qui te répondra à cette question? Sinon, le véridique qui n'a dit que la vérité, celui qui ne parle pas de ses propres passions, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, l'imam Bukhari, après moi, il va y avoir des situations, c'est-à-dire, il va y avoir des gouverneurs qui vont prendre la fortune que pour eux. Ils ne vont rien vous donner. Ils vont tout prendre pour eux. Et vous allez voir des choses que vous allez blâmer, que vous n'allez pas aimer. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire à Rasulallah? Celui qui vivra à ce moment-là où il y aura ces gouverneurs, qu'est-ce qu'il doit faire à Rasulallah? Hein? Et il a dit, alayhi salatu wasalam, acquittez de votre devoir vis-à-vis d'eux et demandez à Allah le vôtre. Vous savez? Acquittez de votre devoir vis-à-vis d'eux et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala votre devoir, votre droit. Il a dit, surfez. Il a dit, créez le fitna, allumez le feu. Brûler les résidences, brûler les voitures, abadan. Obéissez. Acquittez-vous de votre devoir vis-à-vis d'eux et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça, c'est celui qui a été envoyé clémence pour l'humanité, akhal Islam, qui parle ainsi. hein, notre issue, notre gloire, notre bonheur dans ce bas monde, dans le delà, il est dans le fait d'être conforme aux orientations de ce prophète alayhi salam. Il n'y a pas un bien, quelque chose qui va nous prévaloir le bien dans ce bas monde et dans le delà, il nous l'a montré. Tu imagines, Rasulullah, le sahabi, il dit, n'importe le petit oiseau qui tourne ses ailes dans le ciel, il nous en a parlé. La façon comment on se nettoyer quand on a fait ce besoin, il l'a montré à cette communauté. Cette petite chose. Hein? Subhanallah. Il nous a montré aussi comment être pour être dans le bonheur, dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment être avec son gouverneur. Et comment être dans les situations difficiles. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Écoute encore cette orientation prophétique. Et ce médicament à la fitna. Un homme a posé la question au prophète d'Allah. Il lui a dit, oh prophète d'Allah, si des gouverneurs nous gouvernent, ils nous demandent de nous acquitter de nos devoirs vis-à-vis d'eux, mais ils nous privent de notre droit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu nous ordonnes? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné. Il ne lui a pas répondu. Il lui a répété la question. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, écoutez et obéissez. Hein? Eux vont rendre des comptes sur leurs responsabilités. Vous, vous allez rendre des comptes sur votre responsabilité. Ils les privent de leurs droits. Ils s'accaparent de la fortune. Mais tu dois, tant qu'ils ne t'ordonnent pas de désobéir à Allah, d'obéir à l'islam. C'est là où il y a le bien, où il y a la quiétude, la stabilité. Ils n'ont pas dans les révoltes, regarde. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, khiyaru a'immatikum. الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم ويصلون عليكم أي يدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم الله المستعان. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, les meilleurs de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous aimez et qui vous aiment et auxquels vous faites dua, ils vous font dua. Et les pires de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous détestez et qui vous détestent aussi. Et que vous maudissez, ils vous maudissent aussi. Hein? Qala qulna ya Rasulallah, afala nunabiduhum bisseif. Ils lui ont dit à Rasulallah, on ne prend pas les armes contre eux? Qala la, la. ما قاموا فيكم الصلاة لا ما قاموا فيكم الصلاة والحديث عند الإمام مسلم. Et quand ils lui ont dit, Rasulallah, on prend les armes contre eux, il dit non, tant qu'ils vous laissent prier, tant qu'ils accomplissent la prière, hein, ils vous laissent accomplir la prière. Il dit non. Tu prends pas d'armes, tu sors pas, tu te révoltes pas contre. Ay ma damu ya'dhanuna lakum an tuqimu as-salat wa tudhiru sha'air dinikum la yamna'ukum min al-ghudu ila al-masajid fala tadkhuluju 'alayhim. Et le hadith dit, tant qu'il vous ordonne, tant qu'il vous prive pas du fait d'aller le matin et le soir à la mosquée et de faire apparaître les emblèmes de votre religion, vous n'avez pas le droit de vous révolter contre eux. Tout à l'heure, nous avons vu comment la révolte se fait. Et que ce n'est pas la jeunesse de Facebook qui doit la décider. Et que celle-ci doit être prise par l'analyse des hommes de science dignes du nom. Et que les spécialistes sur le terrain, qu'ils soient au niveau de l'armée, au niveau de la politique, doivent ramener des preuves claires aux hommes de science pour leur dire, on peut le changer, c'est le sens qui est le bain de sang. C'est-à-dire que, qu'il n'y ait aucun grand mal. Dans ces cas-là, tout simplement. Mais sans ça, abadan akhal islam. Si le fait de se révolter contre lui, il va ramener un bain de sang, la cata, l'insécurité, etc., ceci est interdit. Il vaut mieux le mal de ce gouverneur que le mal qui va découler de la fitna après, et de l'insécurité, et des viols, et du pillage, et ainsi de suite. وقال صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى دي عليه الصلاة والسلام celui qui est sous la tutelle d'un gouverneur il voit que ce gouverneur a fait des désobéissances qu'il déteste que fait ce gouverneur qu'il le déteste dans son fort intérieur. Et il ne doit pas sortir de l'obéissance de ce gouverneur. Clair le hadith du prophète, pour s'épargner de la fitna. وَلَمَّا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدِيهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ قَالَ حُذَيْفَ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَدْرَكْتُ ذَلِكَ Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé à Hudayfa radiallahu anhu wa arda, des gouverneurs qui ne prennent pas le chemin du prophète alayhi salam et qui ne mettent pas en application la sunna du prophète alayhi salam, Hudayfa lui a dit qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ya Rasulallah si je vis ce, un gouverneur pareil qu'est-ce que je dois faire comment je dois me comporter قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ رواه الإمام مسلم وهو صحيح Il a dit, الرسول صلى الله عليه وسلم a dit à الحذيفة Tu écoutes et tu oublies à ton gouverneur même s'il frappe, il te fracasse le dos hein? Il prend ta fortune et ton bien tu dois écouter et oublier Il lui a dit révolte-toi Hein? Comment je vais le laisser prendre ma fortune ça va pas non tu rigoles toi hein l'akhal islam mais le rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné ainsi même s'il te prend ton bien il te hein tu dois écouter et oublier hein c'est les orientations de ton prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam akhi وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة أي خرج على إمامه لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتا جاهلية ميتة جاهلية أخ الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم dit celui qui se révolte contre son gouverneur et qui se retrouve le jour de la résurrection il a aucune preuve devant Allah Et celui qui meurt, il voit qu'il n'a aucune allégeance à un gouverneur, il meurt comme sont morts les gens de la période pré-islamique, qui ne voyaient pas de gouverneur sur eux, et qui ne voyaient pas d'obéissance au gouverneur. Clair ou pas clair? Nos révoltés sont conformes ou les sont hein, en divergence avec ses orientations prophétiques. Hein? Et ceux qui sont à leur tête, où sont-ils de ces orientations du prophète alayhi salam hein? Les idéologues de ces groupes, hein? Où sont-ils de la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam pour épargner cette communauté de la fitna? Wa qala sallallahu alayhi wa sallam man ahana sultan Allah ahanahu Allah. Wal hadith fi sahih al jami' wa sahahu Sheikh Nasr rahimahullah ta'ala. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui rabaisse et qui néglige le gouverneur d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala, il va le rabaisser. Hein? Clair et net, le hadith il est authentique. Cheikh Nasr l'a authentifié dans Sahih al-Jami'. Il est aussi dans Sunan al-Tirmidhi. Rahimallahu a'immat al-Muslimin. Wa yaqulu Ubadah ibn al-Samit radiyallahu anhu wa ardah. Bayana Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala al-sam'i wa al-ta'ati fi al-usri wa al-yusri wa al-manshati wa al-makra wa an-la nunazi'a al-amra ahlah. Yarhamukallah. Et عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim, a dit: nous avons fait l'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam d'écouter et d'obéir. Écouter et obéir à qui, nos gouverneurs? Dans l'aisance et dans les difficultés. Hein? Dans les situations difficiles et dans ce que nous aimons et dans ce que nous détestons, nous devons écouter et obéir. Et que nous ne devons pas concurrencer les gens dans leur spécialité. Et nous ne devons pas concurrencer les gouverneurs dans leur poste, hein, et dans leur place. Et il a dit: jusqu'à ce que vous voyez une mécréance claire de laquelle, sur laquelle vous avez une preuve, minallah azza wa jal. Cette mécréance claire à l'islam, comme il a dit Cheikh Rabi, Habibullah Ta'ala, dans le mot que nous avons lu, de, hein, doit être clair, sur lequel il n'y a aucune ambiguïté. Et je te rappelle encore une fois, qui doit décréter cette mécréance claire? Toi et moi, abadan. La jeunesse de Facebook, abadan. Les insensés d'Al-Khawar et sur le pal, abadan. Qui? Les hommes de science dignes du nom. C'est eux qui savent déceler qu'il n'y a aucune ambiguïté. Hein? Ce n'est pas à nous le commun. Le commun, on doit rester à notre place. Hein? Summiyat al-awam awam li'an al-umur ummiyat 'alayha. Les awam ont été appelés awam communs parce que ça vient du mot ama. Dire, ils sont aveugles dans certaines situations, ils ne les voient pas. Et comme il a dit l'imam Mousa, rahimahullah ta'ala, الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وإذا أدبرت عرفها كل أحد. إلى فتنة كم إلى ذي الإمام البصري رحمه الله تعالى quand il commence à apparaître, avant d'apparaître, avant de, hein, de grignoter le terrain, les hommes de science la reconnaissent de loin. Et quand il dévaste tout, tout le monde, le commun et tout le monde dit: il y a une fitna là, il y a le fitna. Ah bon? Hein? Hala. Et quand Cheikh Nasr, rahimahullah ta'ala, on lui a dit: eh, le front du salut, etc., le front islamique en Algérie a gagné les élections. Il a dit: ce ne sont que des pétards de gamins. Tous ceux qui étaient dans l'assemblée avaient quelque chose dans le cœur. Deux jours après, ça a éclaté sur le bain de sang. La différence entre la clairvoyance d'homme de science et de ceux qui ne le sont pas, c'est énorme. Hada, il a la parole d'Allah, l'authentique de la sunna, et la voix du puiseur d'Allah alim, et les règles légiférées, il les a avec lui. Plus la bénédiction d'Allah, plus le bien dans lequel il baigne, parce que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Donc tout ça est avec lui. Hein? Donc c'est avec ça qu'il voit, hein? Et c'est ce qui lui permet d'analyser le mal avant qu'il arrive et d'estimer la situation là où il y a le bien et là où il y a le mal et d'orienter dans le bon sens. Ces outils, les Facebookiens, ils l'ont, ils savent même pas ce qu'on veut d'eux sur Facebook. Ils sont manipulés comme des marionnettes. Vas-y. Ha? Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiyah. Wa hadhihi ikhwat al-islam hiya aqidatu ahlis-sunnah wal-jama'ah salafan wa khalafan fi wullat al-amr. Et ça, c'est les croyances de nos puiseurs d'Allah alayhim, les premiers et ceux qui vont arriver après, en ce qui concerne les gouverneurs al-islam, de ne pas se révolter contre eux et d'écouter et de leur obéir. Qala al-imam Tahawi rahimahullah في عقيدته ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. واضح الكلام. ها الإمام تحاور رحمه الله dans le livre où il explique la aqida sur laquelle il était, qui est l'aqida des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, il dit rahimahullah, on ne voit pas le fait de se révolter contre nos imams, contre nos gouverneurs, même s'ils sont injustes, même s'ils ont dépassé leurs limites, et on ne fait pas des dua contre eux, mais on ne leur désobéit pas, et on voit que le fait de leur obéir, c'est obéir à Allah, et que c'est une obligation, tant qu'ils n'ordonnent pas la désobéissance. Clair. Hein? Le plus aïeul, ils étaient dans une voie claire. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. Et Cheikh l'Islam, le Taïmé, rahmatullah alayh, en ce qui concerne les croyances, disons, de la Sunna, et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, il dit, les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes de la Sunna, ils voient le fait d'accomplir le pèlerinage, le combat sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la prière du vendredi, la prière des fêtes, derrière et avec les gouverneurs, qu'ils soient droits ou qu'ils soient pervers. Et ils préservent les groupes. Et leur religion, c'est le conseil à la communauté. إكلير لفوض النبيزير دو الله عليه. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماما فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أشقى عباد الله. واضح ولا لا؟ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ديدير les gens de la sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde, sont en divergence de la voie des innovateurs, des gens de la bid'a. Complètement, ils sont en divergence avec les gens de l'innovation. Ils voient le fait d'accomplir, les gens de la sunna voient le fait d'accomplir le pèlerinage avec le prince, avec le gouverneur, qu'ils soient les pires des serviteurs d'Allah. Hein? وكان السلف الصالح كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل رحم الله أئمة المسلمين وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. بغيتي أكثر من هكا؟ أجي تقلب تقلب على الفتنة ها؟ تاكل العصا. Et le puiseur d'Allah alayhim, et alors peut-être le Fudayl ibn Iyad, l'imam Ahmed rahimahullah et d'autres, et si nous savions que nous avions un dua exaucé min Allah, nous l'aurions fait pour le gouverneur. Tu veux quelque chose de plus que ça? Ou là tu cherches Jidna? Hein? وهذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة المأمون الذي حبسه وعدبه كان يقول بخلق القرآن وهذا القول كفر. خلق القرآن أن تعتقد أن القرآن مخلوق فهذا كفر ومع ذلك لم يأمر الإمام أحمد بالخروج على المؤمن على المأمون أبدا. Et voici l'imam Ahmed رحمه الله l'imam des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna alors que le ma'moun l'un des khalifa Ibn al-Abbas qui l'a mis en prison et qui l'a maltraité et ce khalifa hein, voyez que le Coran dans ses croyances que le Coran est une créature et ce n'est pas la parole d'Allah et ceci c'est une parole de mécréance à l'islam. Malgré tout ça, l'imam Ahmed, quand les hommes de science de Bagdad sont venus le voir pour se révolter contre lui, il leur a interdit. Il leur a dit, préservez les musulmans, préservez le sang des musulmans. Hein? Non, sortez. Qu'on se retrouve sur Maidan Tahrir, qu'on se retrouve sur place Jam' al-Fna, qu'on se retrouve à côté de Khan Khalil et qu'on se retrouve, etc. Sur le Badha et ainsi de suite. فاللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا صلى الله سبحانه وتعالى يوفق أولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين صلى الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على التوحيد وعلى السنة وعلى منهج سلف هذه الأمة صلى الله سبحانه وتعالى أن يعافي مبتلى المسلمين وأن يشافي مرضاهم وأن يغفر لأمواتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا